Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours. Je vous remercie. 7 mars 2019, salle de presse des diocèses de Lyon, devant un parterre de journalistes. Le cardinal Philippe Barbarin, 59 ans, archevêque du second diocèse de France, annonce en 33 secondes exactement qu'il présente sa démission au pape. La mine défaite, le ton monocorde, le prélat vient d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels du père Bernard Prénat, un curé lyonnais accusé d'avoir sévi entre 1972 et 1992 sur plus de 80 enfants du groupe Saint-Luc, camp scout dont il avait la charge. Dès son arrivée en 2002 dans l'archevêché de Lyon, Philippe Barbarin parvient à fédérer paroissiens et clergés. Mais ensuite, une série de scandales éclate au sein de l'Église, pas seulement à Lyon, provoquant surprise et indignation. Situation confirmée on ne peut plus officiellement en octobre dernier par le rapport Sauvé, qui révèle l'ampleur des violences perpétrées envers les enfants et le silence qui les a trop longtemps entourés. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, nous revenons sur le même type d'affaires, mais à Orléans, où pour la première fois en France, c'était en 2018, un prêtre et un évêque ont été jugés conjointement, le premier pour des actes de pédocriminalité, le second pour avoir omis les dénoncer. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Deschamps, journaliste à Orléans, autrice de livres intitulés « Le silence des soutanes » aux éditions Regain de lecture en 2020. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le nouvel archevêque de Lyon découvrira dès demain son futur diocèse. Monseigneur Philippe Barbarin, nommé hier par Jean-Paul II, est à 51 ans l'un des plus jeunes évêques de France. Demain, d'ailleurs, je vais travailler à Lyon avec le conseil épiscopal, ce sera comme un premier contact. Et puis, il faut certainement une bonne année d'écoute, de rencontres, pour mesurer toutes les forces vives, toute l'espérance qu'il y a, tout le dynamisme spirituel, communautaire qui existe, et en même temps comprendre les souffrances ou les blessures. Pour les Lyonnais, tous les Lyonnais, Fourvière, ça compte. L'archevêque de Lyon, ça compte. C'est quelqu'un de la cité. On entre dans une histoire. 17 juillet 2002, jardin de la maison diocésaine de Moulins. À tout juste 51 ans, Monseigneur Philippe Barbarin passe de ce diocèse modeste de l'Allier à celui de Lyon, une juridiction ecclésiastique de 300 000 âmes qu'il a administrée pendant 4 ans. Il passe à un mastodonte historique. Lyon, deuxième évêché de France, 100 millions de fidèles, ses 400 prêtres et ses 200 salariés, une place forte. Quelques semaines plus tard, le 14 septembre 2002, dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon, Philippe Barbarin est installé primat des Gaules. Pendant la cérémonie, des lycéens lui offrent une paire de baskets. Rendez-vous pour un entraînement le mois prochain, le relance le prélat. Mitre d'or vissé sur le crâne, une jambe dans le plâtre, héritée d'une mauvaise chute pendant une course à pied. Cet évêque, à l'énergie débordante, court et se frotte parfois au marathon. En moins de 5 ans, le curé anonyme du diocèse de Créteil devient le Monseigneur 100 000 volts des Lyonnais. Né en 1950 à Rabat, au Maroc, d'un père ancien militaire reconverti dans la banque, Philippe Barbarin est le cinquième d'une famille qui en compte 11. Étudiant à Paris, il se lance dans la philosophie universitaire en plein boom révolutionnaire des années 70. Une période trouble où l'Église catholique française subit une véritable hémorragie de fidèles. Mais le conservateur, Barbarin, ne plie pas, esquivant avec dextérité les effluves marxistes des couloirs des facultés parisiennes. Entre ses cours, à l'Institut catholique et à la Sorbonne, il est formé chez les Carmes. Ordonné en 1977, loin de l'engagement des prêtres ouvriers, Barbarin devient le champion d'un catholicisme, disons, de tradition, en tout cas en riposte à l'anticléricalisme de gauche des années 60. C'est après une mission à Madagascar et 4 ans à Moulins, donc, en 2002, et c'est propulsé par Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, que Philippe Barbarin devient primat des Gaules. Un cadeau empoisonné pour certains, puisque le prélat hérite de la malédiction Fourvière, cette montagne mystique, comme l'a surnommé Michelet, surmontée de l'écrasante basilique Notre-Dame qui domine la vallée du Rhône. En 7 ans, elle a vu mourir 3 cardinaux fauchés par la maladie. Bon, si la superstition n'a pas vraiment sa place chez les hommes de Dieu, Philippe Barbarin choisit de ne pas dormir dans la même chambre que ses prédécesseurs. Sait-on jamais. Par tradition, l'archevêque de Lyon accède mécaniquement au rang de cardinal. Le 28 septembre 2003, c'est un Jean-Paul II très affaibli qui profite de son angélus dominical depuis la fenêtre du palais du Saint-Office pour annoncer la nomination de 30 cardinaux, dont Barbarin. Monseigneur Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Le 21 octobre 2003, à Rome, sur le parvis de la place Saint-Pierre, Monseigneur Barbarin, 53 ans, est créé cardinal avec 2 autres prélats français lors du consistoire convoqué par Jean-Paul II. Les forces du pape polonais, très éprouvées, ne lui permettent pas de fixer lui-même la traditionnelle barrette rouge sur la tête du jeune primat des Gaules. Croix pectorale bien fixée sur la soutane noire à la boutonnière rouge, calotte et ceinture cramoisie, Philippe Barbarin, fier, témoigne au micro de France 3 et son goût pour les médias et le devant de la scène transparaît déjà. Bon, je me suis agenouillé devant lui parce que voilà, c'est tout. Je regardais ceux qui précédaient, je me suis dit attention, bientôt c'est ton tour et puis c'est venu. On a toujours peur d'être un peu ému. Comme vous savez, l'émotion ça ne se commande pas et grâce à Dieu je l'ai vécu paisiblement, donc c'est une chance. Dès ses premiers pas à Fourvière, Barbarin parvient à apprivoiser un clergé lyonnais clivé entre prêtres traditionnalistes et curés progressistes des Minguettes. Sa mémoire infaillible des noms lui permet de citer ceux des enfants des fidèles qu'il a baptisés. Il écrit des fiches pour mieux mémoriser mariage, études ou anniversaire de tel ou tel paroissien. Ce roi de la com est de surcroît doté d'un sens aigu de la formule. Alors, forcément, voyant en lui un bon client, les médias s'emparent de cet évêque touche-à-tout qui détonne. Sur une passerelle de la Saône, les photographes mitraillent celui qui a remplacé la soutane et la calotte rouge par des collants noirs et bandeaux fluo, estampillés Nike. 2 ans après l'avoir créé cardinal, le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II s'éteint. Du 18 au 19 avril 2005 se tient le conclave pour l'élection du successeur du pape polonais. Dans l'ambiance solennelle de la chapelle Sixtine, Barbarin, fougueux, tente un coup d'éclat. Pourquoi ne pas voter pour le patriarche Bartholomée de Constantinople, à la tête de l'église orthodoxe au nom de l'unité des chrétiens? Un pétard mouillé qui irrite certains électeurs du Sacré Collège forcément. Et parmi eux, le cardinal allemand Ratzinger, futur Benoît XVI, pas du genre révolutionnaire ni audacieux. Si à Rome, Philippe Barbarin est mis au banc de réunions importantes tout au long du pontificat de Benoît XVI, il poursuit son ascension en France. D'abord, il soigne sa gauche en ouvrant son diocèse aux plus pauvres et aux réfugiés. Il se pose en défenseur du discours interreligieux. Gérard Collomb, édile socialiste de la métropole lyonnaise, devient son principal allié. Et puis, à l'élection du pape François, le 13 mars 2013, le fonceur fait son retour dans les couloirs du Vatican. Très proche et apprécié du nouveau Saint-Père, en ligne directe avec la résidence Sainte-Marthe, Barbarin se fait son porte-parole sur l'accueil des migrants. Côté droite, il réseaute avec les chefs d'entreprise lyonnais. Les catholiques acclament ce Sarko de l'Église, comme il a été rebaptisé, qui n'a de cesse de revendiquer les valeurs traditionnelles de la famille. Il bat le pavé lors de plusieurs marches anti-avortement, se positionne dans l'affaire Vincent Lambert, du côté de ceux qui condamnent à vivre. Mais c'est en 2012, contre la loi Taubira, que l'archevêque fait preuve d'un militantisme sans faille. Alors qu'une vague de catholiques furieux prend la rue, il devient le champion de la manif pour tous et de ses drapeaux bleus et roses. Il pose aux côtés de la sulfureuse Frigide Barjot, prend la tête de cortège lyonnais, sillonne église et mosquée pour rallier des représentants du culte à sa cause, la cause du mariage comme sacrement entre hommes et femmes. exalté par sa fougue activiste, le prélat se laisse aller à des propos borderline, voire carrément homophobes. Le 13 septembre 2012, sur l'antenne de RCF, Radio Chrétienne Francophone, il affirme, en parlant du texte de loi du mariage pour les couples de même sexe, que des demandes incroyables surgiront, comme la polygamie, amalgame d'un autre temps, celui de l'Église, figé. Alors, le parcours sans faute s'écaille. Des fidèles fustigent le populisme de Monseigneur 100 000 volts, des politiques sont scandalisés. Inclus ou rejeté, le fauteur de trouble, bon élève, suit avec rigueur la ligne directrice de l'Église. En 2010, alors qu'au Vatican, des scandales d'abus sexuels sur mineurs se font jour, l'archevêque de Lyon se fait le messager d'une tolérance zéro au cœur d'une Église qui commence à se gangréner. Il encourage même la libération de la parole. Quand on crève un abcès, c'est plutôt bien. Donc je voudrais d'abord dire merci aux victimes, parce qu'ils ont parlé. Et on imagine ce que ça peut représenter pour eux comme souffrance incroyable de faire remonter ces souvenirs aussi horribles et anciens, très anciens souvent. Seulement voilà, avec ça, il y a une libération qui s'opère en eux. Donc il y a quelque chose maintenant qu'ils arrivent à se débarrasser de ce point infernal. Et en même temps, ils se rendent pas compte du cadeau qu'ils font aux autres. Parce que ça permet à tout le monde et à toute la société, pas seulement à l'Église, mais en tout cas dans notre corps sacerdotal, au moins c'est clair. C'est-à-dire que maintenant, on veut guérir profondément cela. Moi, j'aime beaucoup les mots utilisés par Benoît XVI dans ses lettres aux catholiques d'Irlande. Il faut avancer sur ce sujet avec courage et détermination. Bon, depuis une dizaine d'années dans l'épiscopat français, on l'a fait, on a publié une brochure, on a mis en garde tout le monde, on s'est expliqué très précisément avec les prêtres. Bon, il y a des faits qui remontent, qui sont de 30 et 40 ans maintenant, mais qui le remontent. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed. La parole libérée pour dire qu'ils ont décidé de briser le silence. La parole libérée, c'est le nom de l'association et du site internet qu'ils ont monté voilà un mois. Aujourd'hui, ils veulent mettre des mots sur les agressions sexuelles qu'ils ont subies enfants dans un groupe de scouts de la région lyonnaise. Le vrai problème dans cette affaire, c'est le phénomène de conspiration, de silence qui a été orchestré autour de cette affaire-là, depuis 1980. Et ça, c'est pas acceptable. Ma vie a basculé il y a 2 mois. Les policiers ont appelé mes parents. Ils effectuaient une enquête sur le père Bernard Prénat. Ce 16 janvier 2016, 4 hommes alignés devant des tables font face à la presse locale. D'âge et d'origine sociale différents, ils ont tout de même un point commun. Ils ont fait partie du groupe Saint-Luc. Tous ont été enfants, victimes d'abus sexuels de la part du père Bernard Prénat, à la tête de son camp scout entre 1972 et 1991. Des survivants qui fondent en décembre 2015 l'association La Parole Libérée, une poignée d'irréductibles qui va faire trembler tout l'épiscopat. L'affaire Prénat ne fait pas qu'éclabousser la colline de Fourvière et son prince, elle les submerge. En 1972, le jeune vicaire Bernard Prénat, fraîchement ordonné prêtre, débarque dans la paroisse Saint-Luc à Sainte-Foy-les-Lyons, commune limitrophe de la capitale des Gaules. Le trentenaire costaud, regard bleu glacé, dévoré par de larges lunettes, rejoint les fidèles du père Plaquet. Prénat fonde, dès son arrivée, une troupe scout indépendante, le groupe Saint-Luc, qui attirera jusqu'à 400 enfants. Le prédateur sexuel a tout calculé. Il dispose ainsi d'un vivier inépuisable. Alors, chaque mercredi, chaque samedi après-midi, le groupe Saint-Luc réunit des dizaines d'enfants en short marine de 6 à 18 ans. Et toujours le même procédé mécanique. Le père Prénat pose sa main sur l'épaule de l'enfant choisi, lui demande de s'écarter du groupe. Il l'emmène alors vers le bureau d'un bâtiment qui jouxte de l'église pour abuser de lui. Les petits scouts le savent, les fillettes aussi, mais elles sont moins inquiétées. Et puis, père Bernard fait partie de la famille. Il vient dîner à la maison et repart parfois avec des cadeaux ou un chèque des parents. Il aide tellement les enfants. Sous les tentes, la nuit, les blagues se chuchotent. « Attention, tu vas finir au labo photo avec Prénat », s'esclavent certains louveteaux. L'humour, qui se veut potache, illustre l'enfer, la loi du silence. En 1978, première salve d'avertissement pour le curé criminel. Une famille vient demander des comptes au père Plaquet qui gère la paroisse. En 1980, nouvelle alerte, cette fois d'une maman. C'est Prénat lui-même qui est envoyé chez elle pour s'excuser, surréaliste. 10 ans plus tard, en 1990, François Devaux, scout à Saint-Luc, bourré d'une fierté enfantine, clame devant ses parents que le père Bernard l'aime si fort qu'il l'a embrassé sur la bouche. Horrifié, le couple Devaux écrit au primat des Gaules de l'époque, Monseigneur de Courtrai. L'archevêque de Lyon les rassure, le curé ne sera plus en contact avec des enfants. Le père Bernard est envoyé alors chez les petites sœurs des pauvres, mais il est muté 6 mois plus tard dans une autre paroisse à Neulis, où il célèbre l'office en présence d'enfants. Il a pris soin de couper tout contact avec la communauté lyonnaise. En 1999, toujours dans le même archevêché, le successeur de Monseigneur de Courtrai, Monseigneur Jean-Marc Billet, nomme Prénat à Cour-la-Ville, où le curé pédocriminel gère une quinzaine de paroisses. Plutôt qu'un psychiatre, Monseigneur Billet l'envoie chez un avocat. Et personne n'alerte la justice. En 2013, alors que les victimes continuent d'enfouir leurs secrets, Philippe Barbarin nomme le père Prénat doyen de 6 paroisses. 40 ans après l'arrivée de Prénat à Lyon en 2015, Alexandre Ezez, un catholique lyonnais, père de 5 enfants, aperçoit dans la presse une photo du curé entouré de bambins. Dans son appartement bourgeois, tout remonte à la surface, le labo photo, la sidération, le silence forcé. Atterré, il croyait son abuseur mort. Il raconte son calvaire dans l'émission Secret d'Info, diffusée le 22 avril 2016 sur France Inter. Les samedis après-midi, quand on était en réunion de scouts, généralement, il m'emmenait dans un local photo qui était à côté de l'église. Et donc là, il se serrait contre moi et il passait sa main sous mon short et sous ma chemise jusqu'à se mettre à l'intérieur de mon caleçon pour prendre mon sexe dans ses mains. Et puis après, il se frottait et il fallait aussi le caresser, en tout cas déposer sa main sur son sexe. Ça s'est reproduit de très très nombreuses fois jusqu'à un fameux camp du Portugal où là, il a essayé d'aller plus loin puisqu'il m'a enfermé dans une tente en profitant qu'il y avait un tournoi de foot pour essayer de me déshabiller et lui se déshabiller. Et donc là, j'ai eu très très peur et j'ai fui. Je venais d'avoir 12 ans. En 2002, les journalistes du Boston Globe dévoilent un scandale d'abus sexuels vertigineux couvert par l'Église américaine. Le Vatican prône la tolérance zéro. Les papes Benoît XVI et François en font même le cheval de bataille de leur pontificat. Alors, face au cliché sur lequel sourit son abuseur, Alexandre Ezez éructe. Mais comment se fait-il que Bernard Prénat soit toujours en place et avec des enfants ? En juillet 2014, le conseiller financier de 40 ans écrit directement à Mgr Philippe Barbarin. En septembre, le diocèse organise une rencontre entre Alexandre et Prénat, qui immédiatement reconnaît les faits. La confrontation absurde en présence d'une médiatrice se solde par un autre père. Pardonne-nous nos offenses et on n'en parle plus. D'ailleurs, le temps passe, le curé célèbre toujours la messe devant des fidèles qui ne demandent pas leur reste. Alexandre écrit à nouveau au primat des Gaules. Après plusieurs mois de silence, Philippe Barbarin affirme qu'il a retiré la charge de la paroisse à Prénat. Mais le pédocriminel prêche toujours, on l'a vu. Un an après son premier courrier, à l'été 2015, Mgr Barbarin appelle Alexandre Ezez. Ce message vocal, les journalistes de France Inter ont pu le diffuser pour Secret d'Info. C'est un message pour Alexandre de la part de Philippe Barbarin. J'ai reçu une lettre de Rome qui m'ont donné votre lettre ou la copie de la lettre que vous avez écrite au pape en me demandant de reprendre contact avec vous. Alors j'ai dit que j'étais en contact avec vous et de vous faire savoir exactement ce que j'avais fait à propos du père Bernard Prénat. Donc je vous le dis comme ça, là, voilà. J'ai interdit au père Bernard Prénat tout exercice du ministère pastoral et toute activité comportant des contacts avec des mineurs. Voilà. Jusqu'à ce que Rome statue sa situation. Voilà. Le ton paraît léger, presque inconscient. Mais suite à la plainte d'Alexandre, le parquet de Lyon va ouvrir une enquête préliminaire. Et en parallèle, le diocèse demande à Prénat de partir à la retraite. Alors que l'inspecteur remonte certaines pistes, il tombe sur la lettre de la mère de François Devaux qui dénonçait les attouchements subis par son fils auprès du diocèse dans les années 90. Alerté, François Devaux, survivant de Prénat, 36 ans, dissèque soigneusement chaque photo du groupe Saint-Luc. Et à force de coups de fil, il parvient à regrouper de plus en plus de témoignages. Certains sont prescrits, enfin, ont dépassé les 20 ans après la majorité, d'autres non. Mais c'est bel et bien un réseau criminel qui se dévoile peu à peu. François Devaux, le verbe haut, la carrure imposante, comprend immédiatement le poids médiatique de l'affaire. Sans la presse, pas de caisse de résonance, pas d'effet de boule de neige, bien sûr. Le 6 novembre 2015, pour la première fois, l'affaire Prénat dépasse la région lyonnaise. Sur la chaîne M6, la France aperçoit pour la première fois le père Prénat. L'horreur a désormais un visage et un nom. Avec Alexandre Ezez et Bertrand Virieux, François Devaux crée l'association baptisée La Parole Libérée à Villeurbanne, qui organise sa première conférence de presse le 12 janvier 2016. Devant les journalistes, François Devaux incrimine la hiérarchie et interpelle le diocèse de Lyon. Pourquoi le diocèse de Lyon a-t-il replacé le père Prénat auprès d'enfants malgré des avertissements ? Est-ce que des mesures ont été prises par le diocèse de Lyon pour éviter le renouvellement de ces faits ? Le père Prénat a-t-il été jugé par un tribunal ecclésiastique ? Le Vatican a-t-il été informé de ces faits et depuis quelle date ? Et enfin, est-il normal que le Vatican nous redirige vers le cardinal Barbarin pour traiter cette affaire ? Du côté de la colline Fourvière, la gestion de crise par le cardinal est catastrophique, parce qu'il ne mesure pas la souffrance des victimes. Il brandit comme étendard le fait d'avoir démis de leur fonction deux clercs de son diocèse pour des faits similaires. Mais il multiplie les versions, il n'aurait pas été au courant avant 2014, et puis finalement non, on lui en aurait parlé en 2007. Il explique ensuite avoir cru le père Prénat quand celui-ci a promis que rien ne s'était produit après 91. Il arrive que la miséricorde de Dieu se substitue à la justice des hommes sans vergogne. Et coûte que coûte, Barbarin s'accroche à son siège épiscopal, quitte à y mettre les moyens, embauchant d'influents communicants. Le 27 janvier 2016, le père Bernard Prénat est mis en examen. Le curé confirme, lors d'une confrontation avec ses victimes, que tous les cardinaux étaient au courant. Et une chape de plomb s'abat sur l'Église de France. La solidarité entre évêques s'élite. date 4 mars 2016, le parquet ouvre une enquête préliminaire pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et mise en péril d'autrui. Barbarin est visé. La chute de l'évêque, le plus doué de sa génération, disait-on, s'accélère jusqu'à ce terrible lapsus lors de la conférence de presse donnée à Lourdes le 15 mars 2016. Une formule qui inspirera d'ailleurs le cinéaste François Ozon. Jamais, jamais, jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. Vous voyez, nommer un prêtre, ça ne veut pas dire couvrir les faits délictueux d'un prêtre. Là-dessus vient à la question de faits anciens touchant un prêtre. Et épouvantable, hein. Je n'ai jamais parlé de présomption d'innocence, parce que ce sont des faits avérés, dramatiques. Y a-t-il prescription ou pas ? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien certains, peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites ? Oui, je vous remercie. Je vous remercie. C'est-à-dire que du point de vue juridique, voilà, du point de vue juridique, la majorité des faits sont prescrits. Et si la justice dit qu'ils ne sont pas prescrits, eh ben, il faut que ce prêtre soit condamné. Oui, non, non. Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Oui, oui. La veille, dans les colonnes du Figaro, un anonyme explique avoir été victime à 16 et à 19 ans d'un prêtre du diocèse de Lyon, l'abbé Jérôme Billoux, dans les années 90. Il a déposé plainte et aurait alerté le cardinal Barbarin en 2009. Et là, il se heurtait à l'inertie, toujours, pour éviter le scandale. D'autres noms de prêtres circulent. Au total, 5 curés de l'archevêché seraient soupçonnés d'abus sexuels. Dans l'armoire métallique du diocèse qui contient les dossiers de chaque prêtre, celui de Prena est resté vide, excepté 2 documents. La lettre d'une paroissienne qui prend sa défense et le fameux courrier des parents de François Devaux adressé à Mgr de Courtrai en 1990. Oh, un dossier pas bien lourd, alors que le prédateur a avoué lui son attirance pour les enfants auprès de 3 évêques. Moralité, si je puis dire, Prena n'aurait jamais eu un palmarès pédocriminel aussi long sans la complicité de sa hiérarchie. En pleine semaine sainte, en ce printemps 2016, à la place du traditionnel chemin de croix pendant lequel le primat des Gaules emporte une à travers les rues lyonnaises, Barbarin ne quitte pas la cathédrale. Il rase les murs. Le 23 mars 2016, à l'ouverture d'une messe de la semaine pascale au milieu de l'église Saint-Jean, entouré de son clergé, il demande pardon à ses fidèles. Si pour certains, l'évêque incarne une omerta qu'il faut abolir, pour d'autres, il n'en est que le bouc émissaire. À l'image de ses fidèles lyonnais interrogés par Christophe Vincent à la sortie de la messe. Il a dit qu'il demandait pardon. Et ça, c'est admirable, parce que ça, c'est catholique. C'est ce que le mise en croix, Jésus, a dit. Il n'a rien à se reprocher. Donc soutien total au cardinal. Total, mais pas aveugle. J'ai la même blessure. C'est sacré, les enfants. On ne doit pas y toucher. C'est important de manifester son soutien et de rester debout dans les épreuves. Voilà. Mais ce n'est pas le problème Barbarin, c'est le problème de la pédophilie. Faire un bouc émissaire du cardinal Barbarin alors que c'est toute la société qui est en même temps victime et en même temps coupable, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quoi. Bon, il a peut-être mal agi à un certain moment, mais il ne faut pas en rajouter. Non, voilà. On l'apprécie beaucoup. Et si le cardinal Barbarin était victime d'une cabale portée par les défenseurs du mariage homosexuel ? La conspiration plane sur Fourvière pour les soutiens du cardinal. Certains avancent l'hypothèse, en tout cas. Complot ou pas ? Le 30 mars, une perquisition a bien lieu dans le diocèse de Lyon et elle n'a rien d'une rumeur. Une lettre de Rome est retrouvée dans le bureau du cardinal. On lui demande de prendre des mesures disciplinaires adéquates contre le pédocriminel tout en évitant le scandale public. Le cardinal Barbarin est entendu 10 heures dans les locaux de la brigade départementale de protection de la famille. À la sortie, il tente tant bien que mal de remonter la pente, en annonçant un certain nombre de mesures pour lutter contre les abus sexuels au sein de son archevêché. En vain. Mais le 1er août 2016, l'enquête sur le prélat de Lyon est classée sans suite. Les victimes choisissent la citation directe devant le tribunal correctionnel, sans esclandre médiatique. La veille, le 31 juillet, des terroristes ont causé la mort du père Hamel dans la petite commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. L'église française est frappée en plein cœur. Trois ans plus tard, le 7 mars 2019, Mgr Barbarin est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation. À 13 heures, tête baissée, en 33 secondes chrono, il annonce sa démission, même s'il va faire appel de la décision. Une démission que le pape François refuse en évoquant la présomption d'innocence. Alors, une fronde s'amorce dans le clergé lyonnais. Le 28 novembre, le cardinal Barbarin comparaît devant la chambre correctionnelle de Lyon. La journaliste Pascale Reverdiard couvre l'événement pour le journal Le Monde. Et elle rapporte cet échange entre l'archevêque et l'avocat d'une victime. J'ai fait tout ce que je croyais pouvoir faire. J'entends des bruits, des rumeurs. Bernard Prénat me dit qu'il y a eu des trucs, mais me certifie qu'il ne s'est plus rien passé depuis 1991. Les rumeurs, les trucs, c'était quoi? Qu'il leur apprenait à tricher au Monopoly? Ce n'était pas clair. Personne ne m'a rien dit. Ni les parents, ni les autres prêtres qui savaient. Moi, je suis là depuis 2002. Je ne vais pas refaire l'histoire avant 1991. Pourquoi attend-on de moi que je porte plainte, 20 ans après, alors que des paroissiens et des parents ne l'ont pas fait à l'époque? C'est une question que l'on peut se poser. Personne n'a bougé. Aujourd'hui, je reçois des lettres de gens qui me demandent « Mais pourquoi ça tombe sur vous ?» Nous aussi, on savait, et on n'a rien dit. On en parlait partout, à la boulangerie, à la boucherie. Une quinzaine de familles au moins pourraient témoigner. Il y a même une victime qui m'a dit « Je m'attaque à vous, car je ne vais quand même pas attaquer mon père. » Le 30 janvier 2020, le cardinal Barbarin est relaxé. Il présente néanmoins sa démission au pape, qui cette fois l'accepte. En mars, l'expert Bernard Prénat est condamné, lui, à 5 ans de prison ferme. Au journaliste de la chaîne KTO, au lendemain de sa démission, Philippe Barbarin annonce qu'il rendra service désormais en tant que confesseur ou dans des retraites spirituelles. Mais l'ancien primat des Gaules n'a rien perdu de son ambition. « Si le pape me demande quelque chose, je ferai ce qu'il me demande », lance-t-il. L'espoir fait vivre. Prénat et le prélat. Affaire Prénat, affaire Barbarin. Derrière l'ascension et la chute du cardinal se dessine surtout la mécanique du silence instaurée par une institution qui a fait fi de la justice des hommes pendant des siècles. Mais l'omerta commence à se fissurer grâce à une poignée de laïcs et une association « La Parole Libérée ». L'Église catholique acculée a peut-être beaucoup à la fois à y gagner et à y perdre. Can you see there's more to me than mine? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, scandale au sein d'église dont nous allons parler avec notre invitée, Sophie Deschamps. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Journaliste à Orléans, autrice du livre intitulé Le silence des soutanes aux éditions Regain de lecture. C'était en 2020. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre? Quelle était votre intention éditoriale? Alors bien sûr, c'est ce procès qui a lieu le 30 octobre 2018 à Orléans. Et pour la première fois, c'est un évêque et un prêtre qui sont jugés conjointement. C'est vraiment une première en France. C'est un procès qui du coup va durer plus de 8 heures, très très long. Et dès le parvis du tribunal, je vois des gens que je connais, des gens du diocèse, puisque j'ai travaillé pendant 26 ans à RCF Orléans. Et naïvement, je leur dis « vous venez pour le procès, pour soutenir les victimes ?»« Ah non, non, on vient pour soutenir notre évêque. » Interloqué, je leur dis « Mais et les victimes ?»« Oh ouais, les victimes, mais non, non, c'est surtout pour soutenir l'évêque. » Alors là, moi déjà, je tombe pas de ma chaise parce que je suis debout, mais je suis vraiment indignée, interloquée, en colère. Et en fait, la colère, elle va monter tout au long du procès quand je vais découvrir ce silence, cette hypocrisie de l'Église qui finalement a ignoré, dénigré ses victimes et a préféré protéger l'institution, l'Église, la maison et les fidèles avec, en quelque sorte. D'où ce titre, le silence des soutanes, parce que les soutanes, c'est l'habit des ecclésiastiques, qu'ils soient prêtres jusqu'au pape, et pour dénoncer ce silence finalement qui a permis que ces actes soient perpétrés et surtout continuent. Alors jusqu'au premier d'entre eux, en tout cas en France, l'affaire Barbarin, que nous avons raconté dans le récit, on va pas y revenir. Comment expliquer, cela dit, que certains catholiques l'ont ardemment défendu et surtout que reflète ce soutien, selon vous, non seulement à cardinal Barbarin, à Philippe Barbarin, mais aussi auprès là, à l'évêque dont vous parlez à Orléans? Bien, en fait, on est dans une hiérarchie très verticale dans l'Église. Oui. D'ailleurs, l'Église n'a jamais prétendu être une institution démocratique. Elle l'assume, sauf que du coup, ça donne vraiment le chef, et puis après, en dessous, les ouailles, comme on dit. Et d'ailleurs, je vais vous citer un court extrait d'un édito de Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, le 21 février 2019. Il dit « La crise actuelle vous oblige, vous, les catholiques, à sortir de l'idéalisation infantile. » C'est très parlant. « Tout ce qui peut nous faire passer du papisme et du cléricalisme au christianisme est salutaire. Et enfin, tout ce qui peut faire sauter le vernis de l'hypocrisie et de l'idolâtrie mérite nos amens. » Donc vous voyez, en 2019, il y a des paroles comme ça. La parole se libère aussi au niveau des journalistes, des rédactions. Et on a des paroles très fortes comme ça qui sont dites. Peut-être qu'on les a un peu oubliées aujourd'hui parce qu'effectivement, on est plusieurs années après. Et peut-être que l'émotion est un peu retombée, mais vraiment, si l'Église aujourd'hui veut rester sur ses deux pieds, elle n'a pas le choix. Elle doit vraiment se réformer en profondeur, mais ce sera long. C'est un paquebot en même temps, donc un paquebot ne fait pas... une institution, évidemment. Voilà, ne fait pas demi-tour comme ça. Et puis, ils n'ont pas tellement le réflexe progressiste. C'est une institution plutôt conservatrice. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des prêtres qui sont très très gênés par cette situation et qui se seraient confiés à vous? Alors ça, on le voit notamment chez les jeunes évêques, chez les jeunes prêtres, et aussi sur les responsables de séminaires. Il se trouve qu'à Orléans, on a un séminaire interdiocésain, donc qui est très très important. Et c'est vrai que en 2018, j'avais interviewé Laurent Tournier, qui est son responsable, et qui me disait effectivement, il est indispensable que nous soyons très vigilants sur la formation de nos prêtres, et notamment d'aborder les questions de vie affective et sexuelle, et surtout de faire entrer des femmes au séminaire, que ce ne soit pas qu'un entre-soi masculin qui est aussi délétère. Et qui, bon, c'est reconnu aujourd'hui par les jeunes, mais là aussi, il y a du... Et c'est vrai que le procès aussi, l'un de ses avantages, c'est qu'il a, également, il nous a éclairé également sur la formation des prêtres dans les années 60-70, et ce qui est apparu aussi dans le témoignage de l'abbé Pierre de Castellet, donc qui était le prêtre à Orléans, oui. Voilà, sur le banc des accusés à Orléans, c'est que finalement on s'aperçoit que sa sexualité a été blessée, mal construite. Il a en gros été violé par son frère. Et il ne pouvait pas en parler chez lui, c'était tabou, on ne parlait pas de sexualité, c'était sale, on n'en parlait pas. Et que du coup, il a mis ça sur le tapis, et qu'il s'est dit, bon ben voilà, ben, je vais être prêtre, hein, puisque finalement, ben, les prêtres n'ont pas de sexualité, sauf que c'est pas si simple, et que c'est une bombe à retournement, qui a explosé après. Parce que j'aimerais dire également que ces prêtres, ce ne sont pas des monstres. Ils ont fait des choses monstrueuses, mais ce ne sont pas des monstres, parce que ça, c'est trop facile. Du coup, on se dédouane, c'est des méchants, nous, on est les gentils. Non, c'est pas si simple. La plupart de ces prêtres, beaucoup de ces prêtres, ont été eux-mêmes abusés sexuellement. C'est le cas de Castellet, hein, effectivement. Absolument. Et n'ont pas pu dire cette blessure qui les a profondément touchés, n'ont pas pu être crus, n'ont pas pu être écoutés, et effectivement... Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on reproduit ensuite. Ça, oui, exactement. C'est que dans les affaires comme ça, alors qu'ils sont hors de l'Église, on voit que souvent, on reproduit. Donc finalement, l'Église n'échappe pas à la condition humaine. Ça, c'est pas une découverte. Il y a cette notion psy de la reproduction du crime. Vous parlez des femmes et de la sexualité. Donc ça passe pas forcément, la solution ne passe pas forcément par la fin du célibat des prêtres, qui n'existe pas, mais qui serait une solution. Alors c'est une vraie question, parce que les prêtres, par le passé, se mariaient. Ça a été supprimé, non pas pour des questions sexuelles, mais uniquement pour des questions bassement matérielles d'héritage. et ce qui se passe, alors le pape, hein, ne veut pas en entendre parler, il balaye ça d'un revers de main, ce qui est dommage. Selon l'argument selon en 2022, lequel la charge, charge lourde. Oui, et qui ne peut que mieux, il ne peut que bien s'occuper des autres que si lui n'est pas marié lui-même. Voilà, c'est un argument qu'on entend. Les pasteurs protestants sont mariés et remplissent exactement très bien leur charge, et d'ailleurs exactement s'entourent et ont une gouvernance du coup beaucoup plus horizontale dont il ferait bien de s'inspirer. Non, il y a des bons pères de famille qui sont des pédocriminels. Donc, mais en même temps, il y a une solitude affective du prêtre, effectivement, qui est apparue également dans le procès du père de Castellet, où il a dit, moi j'étais dans une solitude affective terrible, et j'ai cherché de l'affection auprès des enfants. Donc en même temps, c'est pathétique, mais on ne peut pas s'empêcher d'être ému quand on entend ce genre de... D'argument. D'aveu, en fait. Et d'aveu, c'est plus qu'un argument, c'est un aveu. Voilà, c'est ça. Le procureur de la République d'Orléans a déclaré, hein, ce procès, donc le procès du 30 octobre 2018, fera date et pour plusieurs raisons. Lesquelles ? Alors j'en ai déjà donné quelques-unes. Mmh. Hein. C'est le fait que effectivement c'est la première fois qu'on juge un évêque et un prêtre. La longueur de l'instruction, 7 ans, c'est énorme. Bon, il y a eu des pressions pour notamment avec le procureur précédent pour essayer de mettre ça un petit peu sous le tapis. 25 ans après les faits, donc ça pose le problème. L'abbé, on a l'impression qu'il se demandait un peu ce qu'il faisait là. Dans quelle ville a fait ça, quoi ? C'est ça. Est-ce que voilà. La première fois que ce procureur, qui était auparavant à Bastia, demande de la prison ferme à l'égard d'un évêque. Alors lui, l'évêque, c'est pour ne pas avoir dénoncé. C'est ça. Mais il demande un an ferme pour l'exemple, en fait. Pour bien faire comprendre aux évêques qu'ils ont une responsabilité. La loi qui oblige à dénoncer, elle date de 1992. Ouais. Donc elle date pas d'hier. 30 ans après, finalement. Voilà, presque. C'est ça. C'est ça. C'était la première fois aussi que 3 victimes, justement, témoignaient en public en étant crues. Parce que combien on parlait, on leur disait... C'est pas possible, enfin, voilà. Et puis un enfant qui disait, dans les années, je sais pas moi, 70-80, « Oh, le curé m'a tripoté, il se prenait une claque, on dit pas du mal du curé. » Donc à partir de là, c'est le silence bien total, sûr, quoi. Et puis, il y a aussi, c'était ce procès a révélé que, bah, que trois évêques à Orléans se sont refilés, j'écris dans mon livre « La patate chaude », donc ils savaient. Moi, il y en a un qui m'a dit « Oui, j'ai eu affaire, j'ai eu connaissance d'un cas et... » À l'époque, il ne m'a pas dit qui c'était. Mais c'est après que je me suis dit, bah, bien sûr, il faisait allusion à cette affaire-là. C'est ce qu'on appelle la mémoire sélective. Ça peut rendre service parfois. Voilà. Et puis, ce procès n'aurait pas eu lieu si Olivier Savignac, l'une des victimes, n'avait pas écrit à l'évêque d'Orléans en 2011. Il a été un lanceur d'alerte. Et s'il n'y avait pas eu sa détermination et son courage, parce que c'est difficile de témoigner, on doit répéter ses souffrances, ce dont on a été victime, on n'imagine pas ce que vivent ces personnes. Olivier Savignac, il dit, on y pense tous les jours. Et le procès, il dit, je vais enfin pouvoir finalement arrêter de regarder cet enfant de 13 ans que je vois tous les jours. On se retrouve tout à l'heure, Sophie Deschamps, dans 3 minutes, après avoir écouté Stromae qui chante L'Enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Sophie Deschamps, intéressons-nous maintenant à la réaction de ce pape François qui a quelques égards, apparaît comme plus moderne, plus attentif aux vrais problèmes du monde. Comment réagit-il là, en l'occurrence ? Alors c'est vrai que ce pape, il a une attitude ambiguë en fait sur la pédocriminalité, parce que en 2014, donc à peu près un an après son élection, il dit sa compassion pour les victimes, il dit qu'il faut que les prêtres agresseurs soient jugés, lui-même convoque en 2019 un sommet sur les abus sexuels à Rome de 4 jours, là encore c'est une première, mais finalement les victimes sont peu entendues, donc il y a une manifestation dans Rome des victimes en disant mais on n'est pas assez intégré à ce sommet. Et puis il renouvelle sa confiance au cardinal Barbarin au lendemain de sa condamnation. Alors effectivement il fait appel, il dit bah il fait appel, donc du coup il est innocent. Il présume innocent, absolument. Et donc je refuse sa démission alors qu'il avait accepté la démission d'autres prélats pour les mêmes raisons. Et puis lui-même, ça c'était Cache Investigation qui l'avait révélé en 2017, lui-même quand il était cardinal à Buenos Aires en Argentine, il a un petit peu soutenu le prêtre Grassi, qui a été condamné 2 fois par la justice et à 15 ans de prison. Donc voilà. Alors, cela dit, la conférence des évêques, qui se tient tous les mois à Lourdes, je crois, c'est ça, reçoit des victimes maintenant. Alors ça, c'était au lendemain du procès d'Orléans. Ça a été aussi une autre conséquence heureuse de ce procès d'Orléans, c'est que les évêques se disent, ce serait peut-être bien qu'on reçoive, de les écouter et de les recevoir, surtout parce qu'en 2016, les évêques font une grande messe à Lourdes pour demander pardon aux victimes. Ils sont en vert, c'est la couleur de l'espérance, de la rédemption, etc. Mais il y a aucune victime. Ils font ça, c'est de l'entre-soi. En fait, ce qu'ils ont du mal, c'est à donner la parole aux victimes et à les intégrer dans leur processus de réforme. Il y a le rapport Sauvé, évidemment, qui manifestement change des choses, enfin pour l'avenir de l'Église. Alors ce rapport, déjà, alors c'est une commission indépendante financée par l'Église, ça c'est bien. Les 22 membres font un travail énorme pendant quasiment 3 ans. Ils rendent leur rapport le 5 octobre 2021 et avancent ce chiffre de 330 000 victimes. Donc effectivement, là encore, tout le monde tombe de sa chaise. Alors c'est 330 000 victimes, y compris les victimes de laïcs, ils sont partis des années 50. Donc effectivement, c'est quand même étalé dans le temps. C'est sur plus de 70 ans, si je compte bien. Mais le chiffre, parce qu'au départ, on se dit, oui, ça va être 10 000. La veille, Europe 1 dit peut-être 100 000. Et quand le rapport sort, c'est la bombe, c'est 330 000. Ouais, c'est énorme. Et à tel point que des membres de l'Académie catholique de France, 8 membres éminents, dont son président Hugues Portelli, le 29 novembre, disent, non, ce rapport est truqué, il y a eu des... ça a été mal fait, ils remettent en cause la méthodologie, les chiffres, etc. Et du coup, le Jean-Marc Sauvé, donc le président de cette commission, il s'appelle Sauvé au passage, devait être reçu par le pape le 9 décembre. Et du coup, le pape a ajourné ce rendez-vous, et il n'y a pas d'autre date de prévu. Donc voilà, encore une fois... C'est une fin de non-recevoir. Voilà, encore une fois, le lobby de certains, là, c'est 8 personnes. Oui, mais influentes. Qui empêche justement le pape d'avoir accès à cette commission. Le silence des soutanes, pédocriminalité, non pas pédophilie, pédocriminalité dans l'Église, Sophie Deschamps, les procès d'Orléans, de Lyon, et après, parce qu'il y a toute une partie du livre qui réfléchit sur après, évidemment c'est important, il faut que ça serve d'expérience, bien sûr. Et que ça cesse. Merci infiniment Sophie Deschamps, au revoir. Au revoir, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Barbarin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Léon. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Stéphanie Fromentin, Jeanne Mayer, Sylvie Fagnard, Sophie Bobert et Constance Villanova. Attachée de production, Rebecca Denante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combe. À suivre sur France Inter, bien sûr, Antoine Decaune avec son podcast, puisque nous sommes vendredi.